Bonjour, bonsoir, bienvenue dans le secret du son d'abat. Salut David. Salut, salut. On a laissé l'ami Grégoula repartir au pays des layettes magiques. Exactement, et des petites couches qui sentent bon. Voilà, et il nous fera le plaisir de revenir à nos côtés à la rentrée de septembre. D'ici là, on reste ensemble pour quelques émissions estivales avec au programme... comme d'habitude, des nouveautés, des choses qui nous tiennent à cœur, qu'on a envie de défendre, qui sont pas forcément des découvertes qu'on pourrait s'approprier, mais en tout cas des choses qui nous ressemblent et qu'on a envie de partager avec vous. Aujourd'hui au programme, ça va être assez sombre. Hein, mm-hmm. On regarde le coucher de soleil, il fait beau, c'est ça, voilà, sympa et tout, on devrait profiter de l'été. Mais pas du tout, le secret du son d'Abba, c'est aussi l'art de manier les contraires et de manier les contrastes. Une émission plutôt ténébreuse, et on démarre avec un anglais qui s'appelle Powell. On s'écoute un extrait de son maxi qui n'a pas de titre d'ailleurs, sorti sur The Death of Rave. C'est Powell dans le secret du son d'Abba. Un début un peu claudiquant, un peu curieux, mon cher David. Ouais. Un son assez inhabituel, ou du moins, enfin, inhabituel. On pourrait se demander où il veut en venir, et en réalité, quand on regarde un petit peu de plus près, on voit tout de suite les influences. Alors, autant le maxi de Powell, donc c'est Oscar Powell, le garçon, sur ce label qui s'appelle The Death of Rave, autant ce maxi n'a pas de titre, autant les morceaux nous renseignent un peu plus, puisque eux en comportent. Alors, on s'est écouté le morceau qui s'appelle Abound, bon, rien à dire là-dessus. Par contre, il y a un morceau qui s'appelle Oh No New York. Alors, No New York, ça nous renvoie à cette compile produite par Brian Eno à la fin des années 70, quand il était allé à la quête des nouveaux groupes de la scène qu'on allait appeler la scène No Wave, des clubs new-yorkais. Hein, et cette compile s'appelait No New York, justement. Donc on est vraiment sur cet esprit très inspiré de la scène funk blanc de la fin des années 70 à New York, mais aussi au Royaume-Uni. Il y a un petit côté funk en mode disque rayé, hein, ça fait un peu sur le démarrage. Alors il y a un autre morceau qui s'appelle Rider, ça fait penser à Ghost Rider, l'album qui nous renvoie à l'album de Suicide, le duo synthétique new-yorkais là aussi. C'est un peu entre Suicide, Bob Buster Tag, plus près de nous donc, hein, mais Cabaret Voltaire, avec des touches de clavier funky, mais pas trop non plus. Un peu avec des lumières blafardes, on imagine la piste de danse archi déserte, personne n'osant trop s'y aventurer. Alors il faut se rappeler qu'on avait diffusé un extrait du premier maxi qui s'appelait The Ongoing Significance of Steel and Flesh l'an passé, avec un maxi qui était assez clinique, et là je trouve, toute proportion gardée, on n'est pas non plus dans un son très très chaleureux, mais on est déjà dans un son un peu plus chaud, avec des influences on va dire funk issu de la scène en question, plus affirmé. En tout cas, ce maxi est fort intéressant de ce point de vue. Pas sûr qu'il amène des foules donc sur la piste. Pas plus d'ailleurs que le EP qui suit là, parce que celui-là donc est sorti en janvier dernier. Depuis, il y a un EP qui s'appelle Fizz qui est sorti sur une sous-division du label Mute. Très prolixe le petit gars. Ouais, j'ai l'impression que ça y est, c'est parti. On va le suivre de près, parce que moi j'aime assez, c'est assez déstabilisant, mais je saurais pas forcément trop comment amener ça dans un mix, moi, en ce qui me concerne, mais pour autant je trouve qu'il y a quelque chose qui me plaît beaucoup chez ce Oscar Powell, à suivre donc dans Le Secret du Son là-bas. Alors là, on va passer à quelque chose de beaucoup plus affirmé au niveau dance floor. On peut même dire que le duo Ancient Methods qu'on va s'écouter sont des gens qui ont marqué, on va dire, la deuxième moitié des années 2000, d'une sorte de renouveau de techno qui puise à nouveau ses ressources dans les sonorités industrielles comme la techno des origines, mais vraiment avec une patte très très personnelle. On peut dire que leur manière de construire les rythmiques, elle est reconnaissable entre mille. C'est pas pour autant que je saurais précisément mettre des adjectifs pour l'exprimer, mais disons qu'il y a un franc côté. On sent que ça, c'est les entrailles des abattoirs, mais des tu vois, des entrepôts et des zones désertes, un peu d'Allemagne de l'Est, qui ont servi de de théâtre, à toutes les fêtes techno, et qui continue d'ailleurs de servir de théâtre parce que ça se renouvelle sans arrêt. Il y a toujours des squats, un squat ferme, un squat s'ouvre à Berlin et en Allemagne de l'Est. Hein. Et Ancient Method, voilà. Ils sont allemands, du coup. Voilà, ils savent très bien. Voilà, avec leur manier tout ça. Et... Voilà, le mettre en. Disons que leur son. Voilà, très imagé de ce point de vue-là. On voit très bien les ambiances festives qu'il peut y avoir derrière. Et on se voit très bien sur la piste avec tout ce qu'il faut de light et de. Et d'à côté, on va dire. Et ce qui fait qu'une fête est réussie. Seven Seals, c'est leur nouveau maxi, 4 titres. C'est, je pense, pas loin d'être ce qu'ils ont fait de meilleur depuis 5 ans maintenant, 5-6 ans qu'on les écoute. C'est toujours produit par leur propre label, Ancient Methods, qui porte le nom de leur projet. On va s'écouter un extrait qui s'appelle When All Is Said and Done, et c'est vraiment une tuerie techno comme on n'en écoute pas tous les 4 matins. Ancient Method dans le secret du son d'Abba. Allez, on s'écoute ça. Orphix de retour dans le secret du son d'Abba. On avait adoré en début d'année 2012, si mes souvenirs sont bons, l'album Radio Therapy qui était sorti à l'époque par le label allemand qui a d'ailleurs contribué à les faire connaître, Hans ouais. Productions. Et puis, Orphix, c'est un duo qui est apparu en tout cas sur nos écrans radar au milieu des années 90. On l'avait déjà expliqué, hein, ils viennent de cette scène justement du label Hans, plutôt porté sur une électro très mécanique, hein, ouais. qui n'oublie pas que la musique industrielle, c'est le son des industries lourdes et des mécaniques grinçantes, qui s'inscrivait dans une école qui compte bon nombre de gens qu'on apprécie, de Splendor Geometrico à Dive, en passant par Hypnoskull, Winterkelt, Converter et tant d'autres, sur des labels qu'on a souvent défendus dans le secret du son d'Abba et bien avant d'ailleurs, comme Hansen notamment, ou Hans justement, production. Et puis Orphix depuis quelques temps s'est clairement orienté vers une musique techno plus américaine d'ailleurs, je crois bien que si je dis pas de bêtises ils sont eux-mêmes c'est un duo américain, c'était un trio à l'origine, duo désormais et à tel point que c'est justement un label new-yorkais, un des vétérans de la musique techno indépendante, c'est Sonic Groove, le label de Adam X, hein, ça c'est vraiment aussi un vieux de la vieille, et c'est ce label là qui les sort désormais, et voilà, il y a un côté blippé, tournoyant, qui ménage ses effets, qui prend son temps, mais pour nous arrimer bien solidement au dance floor, on attache sa ceinture, et puis ensuite ça décolle. Idéal pour lancer une session, puis faire monter la pression progressivement, ouais. On voit bien... À l'instar un petit peu du morceau précédent de Ancient Methods, voilà, c'est les mêmes méthodes. C'est un peu dans la même veine, ouais. Voilà, ouais, même ouais, méthode, mêmes effets. Ouais, ouais. Là, je trouve il y a un côté très très léché. Plastic Man n'est pas bien loin au niveau peut-être des influences pour ce duo Orphix. En tout cas, c'est un très très bon maxi. Trois titres qui s'appelle Boundary Conditions. Voilà, c'est un trois titres sorti en vinyle. Qui me tarde d'ailleurs d'acquérir. Alors on va quitter les rythmiques aussi précisément marquées pour partir plutôt dans des choses décomposées mais toujours électroniques. Toujours électro. Voilà, avec Fosten, c'est une nouvelle signature pour un label qu'on aime beaucoup aussi, qu'on aime défendre, c'est Ad Nauseam, label du français Nicolas Chevreux, ouais. qui vit à Berlin depuis bien longtemps maintenant. Et voilà, souvent on a d'agréables découvertes et de belles réalisations grâce à ce label. Et qu'est-ce qui nous a trouvé ce coup-ci? Alors c'est un duo monté pour l'occasion de ce premier, d'un premier album, Fosten. Un anglais qui s'appelle Stormfield, enfin du moins c'est son pseudonyme. C'est son pseudo, ouais. C'est comme ça, c'est sous ce nom-là qu'on l'avait déjà repéré pour quelques EP plutôt catalogué dubstep, hein, pour faire simple, sur un label qui s'appelait Combat Recording, c'est le label qui avait contribué à lancer King Cannibal par exemple. D'ailleurs il y a un Stormfield vient de sortir un EP qui s'appelle Collapsing System d'ailleurs sur ce label Combat Recording ces jours-ci. Donc Stormfield l'anglais est un garçon qui signe des disques sous le nom de Monster X, mais c'est un français. On l'avait déjà croisé sur le label rennais Peace Off et sa sous-division, alors je sais plus laquelle c'était, peut-être bien Mutant Sniper ou quelque chose comme ça, il y a une foule de sous-divisions, on s'y perd un peu chez Peace Off. En tout cas il avait signé des beaux maxis de espèces de techno complètement désarticulés entre techno et électro, c'était hyper réussi. On l'avait vu aussi chez Tiger Beat 6, le label de Kid 606. Et puis voilà, les deux sont réunis. Ils ont composé manifestement à quatre mains entre Londres et Paris entre 2011 et 2013. Ça donne un album de 6-8 titres plus quelques remixes. C'est vraiment très très réussi dans un genre. À la rencontre de plusieurs genres ou sous-genres des musiques électroniques et électro, entre des choses très désarticulées, très froides, très très nuageuse, très voilà sombre et opaque, et puis des choses plus épaisses, plus plus musclées, plus charnues. Plutôt, on pense notamment à justement des gens qui ont travaillé le dubstep d'une manière très personnelle. Je parlais de Kim Cannibal tout à l'heure, ou Mick Harris qui, avec son projet Scorn dernièrement, avait vraiment marqué le son dubstep de sa patte toute personnelle. Et là, voilà, l'album progresse comme ça de quelque chose qui est plutôt squelettique vers quelque chose qui est plus musclé. De morceau en morceau. Ouais. Ça se fait tout seul. C'est un album qui requiert quand même une attention toute particulière pour qu'on n'ait pas l'impression que c'est un album de plus. Ouais. Parce que sinon, c'est vrai que première écoute comme ça, on se dit ok, ouais, pourquoi pas. Et puis en fait, non, c'est dans la construction. Dans la construction et l'enchaînement des morceaux que l'album prend tout son sens, ouais, pour nous amener vers des remixes qui sont vraiment tout à fait savoureux, notamment par Oyar, Dadub ou Antal. Ah oui, d'accord, ouais. Ouais, Oyars, on a eu l'occasion de défendre aussi c'est un duo, je crois, letton ou estonien, je crois, letton, qui d'ailleurs, qui désormais lui aussi fait partie de l'écurie Ad Nauseam. Alors on va s'écouter un extrait de cet album, un peu à mi-parcours justement, où on a sorti la fonte, là, puis on sent que les muscles commencent à bander, là, tu vois, hein, c'est bien saillant. Mmh. Et c'est le morceau Abort, un nom qui inspire des choses pas forcément tout à fait joyeuses, mais c'est à l'image de cet album qui ne l'est pas et qui vaut son pesant de kilobits. C'est l'album donc Fausten, du duo Fausten, sorti sur Ad Nauseam au printemps. On s'écoute ça dans le secret du son là-bas. Ouais, tout de suite. Thank you. What you say? Bien, on vient de se faire une sorte de hip-hop session en, en casse-auto. Hein, ça, il tape sur des caddies et des ganivelles. D'accord. Et c'est numéro 1. Non, j'en sais foutre rien de ça. Je ne sais pas trop à partir de quoi il compose ces piécettes de hip-hop ferrailleur. Mais voilà, ça vaut le coup d'être... de prendre un petit peu de temps autour de ce projet. C'est Na et l'album Abnégation. Alors Na, j'ai pas beaucoup d'infos sur qui se cache derrière qui se cache derrière ces trois lettres NAH. A priori, ça a l'air d'être un ou des amis de Repeat qu'on a l'habitude de suivre avec un camarade à nous. J'ai l'impression que ça démarre quand même. J'ai pas franchement eu le temps de prendre beaucoup plus d'infos, si ce n'est que j'ai un petit peu fouiné sur le Bandcamp. On y trouve quand même, parce que quand les projets démarrent, c'est là souvent qu'ils sont les plus prolifiques, n'est-ce pas? On a quand même pas moins de 5 références, voire 6 avec cet album Abnégation, 6 références différentes en l'espace d'un an et demi. D'accord, même. Ils appellent ça des mixtapes, parce que c'est comme ça qu'on appelle ça, mais... ce sont des collections de morceaux que je vous encourage à écouter. C'est assez... assez intéressant et assez encourageant, je trouve. Il y a vraiment T'as été écouter le reste un peu tout toi, petit peu notamment Deeper Understanding, la volume 1 qui est sorti ces jours-ci, la juin 2013. Toujours un peu dans cet esprit très très sonore, de temps en temps un chant un peu hurlé. D'accord, là il n'y en avait pas d'ailleurs, mais sur certains morceaux j'ai du mal à voir tout à fait quelle est la configuration en fait, parce que par moment on a l'impression que c'est du sampling de bonnes vieilles rythmiques qu'on a passé dans des effets distordants, distordus. Parce que t'as des sonorités bizarres là, dans ce que j'entendais, tu vois, moi je le découvre totalement et c'est vrai que tu fermes les yeux, tu peux imaginer plein d'instruments qui ont été samplés, mais tu sais pas trop d'où. Tout à fait. Sur certains autres morceaux, on a l'impression qu'on a quand même une configuration carrément d'un vrai groupe, quoi, avec carrément guitare, batterie. Ah ouais, carrément, ils cherchent peut-être encore... Je sais pas, ou en tout cas, c'est peut-être aussi là, une volonté de brouiller les pistes, et ouais. C'est ça aussi qui est intéressant, de pas vouloir se limiter, en tout cas... Ouais. C'est assez sonore, ça peut être assez groovy ouais. si on cherche bien. Et moi, ça me plaît pas mal. Évidemment, ça a encore besoin de sans doute d'une production un peu plus affirmée, ouais, un peu ouais. plus. Si on compare avec le morceau d'avant, le groupe évidemment, d'avant, c'était un petit peu ingrat de voilà. C'est bien produit là. C'est clair que ça manque un petit peu en tout comparaison. Tout à fait. Ouais, c'est un petit peu ingrat de les diffuser derrière Foston. Désolé les gars. Alors, il se pourrait bien que ce soit des Américains qui se soient provisoirement ou durablement établi à Bruxelles, puisque les morceaux semblent depuis quelque temps être composés à Bruxelles, mais que quand on regarde un petit peu leur parcours, ils ont l'air d'avoir beaucoup tourné aux États-Unis. D'accord. Donc ouais. Voilà. Pas plus d'infos. On a affaire à suivre. Affaire à suivre. Alors des gens beaucoup plus établis, ou du moins un gars, parce que je crois que maintenant Cindy Talk, c'est le seul maître à bord, Gordon Sharp, alias Cinder Flame. Voilà, désormais, Cindy Talk, c'est son projet, mais ça a été avant tout un groupe qui est né au début des années 80, ouais. Du côté d'Édimbourg. Édimbourg. Voilà, un petit peu dans la. Alors c'est un groupe qui c'est sans doute ça qui est intéressant aussi, qu'on a retrouvé dans différentes sphères, de la sphère proche des Cocteau Twins et de ce qu'on appelait la scène, voilà, New Wave, Cold Wave, Heavenly Voices, des choses très très léchées au début des années 80. Au Royaume-Uni, mais aussi une scène beaucoup plus radicale, plus underground, proche de ou carrément impliqué dans ce qu'on appelle toujours la musique industrielle, ouais. avec notamment des gens comme les Revolting Cox, le Ministry, ou sur des un flanc plus électro, des gens comme Somatic Responses ou DJ Scud ou le label Praxis qui avait publié une ou deux productions sous des pseudonymes pour des gens de ce projet Cindy Talk. Et puis c'est vrai qu'il y a eu une petite césure au milieu des années 90, c'est vrai qu'on n'avait plus du tout fait attention à ce que devenait ce projet. Et puis depuis la fin des années 2000, on a une série de géniaux albums publiés par des éditions Mego en Autriche, un label qu'on adore et qu'on... un petit peu comme Rastor Norton et d'autres, si on pouvait diffuser toute leur production, on ne se gênerait pas, mais c'est évidemment pas possible. Spécialisé dans les musiques extrêmes, les musiques, on va dire, aventureuses et aux confins de la musique industrielle, des musiques ambiantes, des musiques environnementales, etc. Et c'est tout à fait le propos de Cindy Talk désormais. Une musique assez linéaire, quasiment pas rythmé, quelques touches de piano pour relever ça et là, quoi que ce soit pas vraiment le propos sur ce disque, A Life is Everywhere, le nouvel album, voilà, assez crépusculaire, très minutieux, des fourmillements, des crépitements, c'est tout particulièrement mélancolique, je trouve, ce nouvel album, il y a des flottements comme ça de nappes synthétiques en arrière-fond, mixées un petit peu derrière, qui plairont certainement d'ailleurs aux fans de Fenness ou de Jim O'Rourke ou de gens comme ça. Voilà, en tout cas, c'est le très bel nouvel album de Cindy Talk, Life is Everywhere, sorti chez Édition Mego. On va s'écouter un extrait, c'est le morceau As If We Had Once Been. Ouais. On écoute ça tout de suite. C'est parti. Allez, c'est parti. Alors là encore, ça n'est pas simple pour... De passer de l'un à l'autre, tu veux voilà, dire. Voilà, Alexander Lewis, de passer... Qui démarre avec ce premier EP, de passer derrière... derrière Cindy Taux, qui a des années 35 ans bientôt de maniement et de production de la matière sonore. Quoi qu'il en soit, c'est très prometteur ce Luminous Veil sorti par là encore un label qu'on diffuse presque une fois sur deux, c'est Blackest Ever Black, le label londonien. Premier EP donc pour Alexander Veil dans. Qui est anglais, non ? Ça doit être un anglais. J'ai pas oublié beaucoup d'infos sur le garçon. Ouais. Il a pas encore inondé la toile de référence. Donc c'est un petit peu difficile d'en savoir beaucoup plus pour le moment. Intéressant toujours. Intéressant, moi faut dire. Bon, je suis comme on dit souvent, on a ses petites préférences, on a ses petits terrains de jeu, ses petits carrés à soi, ses petits pré-carrés, voilà. Et moi. Sorte de drone incendiaire comme ça qui déverse quoi, des flots de nuages de feedback voilà c'est vraiment ma camelote dans un esprit proche de ce que peut faire Prurient dans ses passages plus noisy de choses plus obscures comme Force Public Congo, Theologian et toute la scène de un peu comme ça drone indus du côté de Crucial Blast aux États-Unis enfin voilà il y a pas mal de monde à faire du son comme celui-ci mais il y a un petit en tout cas c'est très réussi il y a quelque chose qui se dégage de ce premier EP 6 titres d'Alexander Lewis prometteur et voilà et c'est pour ça qu'on avait envie de mettre un petit coup d'éclairage en tout cas de ce côté-ci de la Manche parce que je pense que le fait qu'il soit déjà sorti par Blackest Ever Black etc ça veut dire qu'il a déjà ses entrées du côté de la scène qui compte et des relais qui comptent au Royaume-Uni voire en Allemagne. On passe à quoi ? Bon, on va rester dans des choses assez comme ça hantées côté messe noire tu vois un peu on sort les crucifix à l'envers ouais, on sort les maquillages blafards et le eyeliner et on lève le pouce on fait bien couler voilà parce que c'est vraiment une ambiance assez particulière bon un petit peu too much hein, on va dire ce qu'il y a avec Pharmacon qui est une jeune femme qui s'appelle Margaret Cardiet en anglais bien sûr sans doute une américaine une new-yorkaise même si je sais lire mes notes elle a produit une petite poignée de release type cassette, CDR, etc. Mais a priori, elle est déjà un petit peu réputée dans la scène voilà néo-goth, néo, je sais pas quoi d'ailleurs, autour du label Sacred Bone. Enfin, tu vois, la scène Sacred Bone, c'est ce label qui sort Zola Jesus notamment. Et il y a toute une scène comme ça, un peu qui remet au goût du jour le côté un petit peu électro-goth, cold wave, etc. du milieu des années 80. Elle a manié un petit peu ça, mais plus proche de ce qu'aurait pu faire à l'époque Diamanda Galas ou ce qu'a fait au milieu des années 90 et continue de faire Jarbo, l'ex-compagne compagne de route en tout cas de Michael Gira et de ses Swans. Voilà, c'est un petit peu cet esprit-là. Le morceau qu'on va s'écouter, extrait de cet album Abandon, c'est un morceau qui moi me fait penser plus presque à ce qu'a pu produire au milieu des années 2000 l'israélienne Mera Asher. Au niveau des vocalises, même si on jugera peut-être, et ça a pu être, j'ai pu le lire que c'était assez caricatural, mais il y a un côté à manier les effets de voix, un coup ça glapit, ça gémit, ça susurre, puis ça peut crier, ça peut psalmodier, ça peut fulminer, enfin ouais, il y a voilà, on sent que c'est assez possédé, c'est effectivement, ça fait pas spécialement dans la dentelle. mais un peu macabre sur les voilà, bords. Voilà, macabre, ouais. Très martelé au niveau des rythmiques. Très indus à nouveau, c'est un peu le fil conducteur, j'ai l'impression, de cette émission. Oui, quand oui. Je me lâche, c'est ça que ça donne. Il me semble me rappeler que la mission d'avant était un peu plus tournée vers l'Afrique, ce coup-ci c'est un peu plus, voilà, un peu c'est plus ça, noir. C'est bon. Ça, voilà. Hein, on varie les plaisirs. On s'écoute donc un extrait de cet album sorti au printemps 2013. Ça s'appelle Crawling on Bruised Knees. C'est Pharmacon et le label Abandon sur Sacred Bones Record dans le secret du son d'Abba. toujours cette maudite influence du début des années 80. Ouais. Killing Joke, Cure. Alors c'est marrant quand tu lis d'ailleurs ce qui provient de leur Bandcamp, hein, puisqu'on est toujours sur un groupe qui fait ça sur sa promotion via le site Bandcamp. Il n'hésite pas à se réclamer des premiers enregistrements de Sisters of Mercy. Ah oui, d'accord, ça date. Ouais. Alors, voilà, et... c'est vrai que c'est pas forcément si courant de voir des groupes qui se réclament de Sisters of Mercy, quand même souvent considéré comme un groupe un petit peu caricatural de l'époque, bon, ouais, qui mériterait sans doute d'être reconsidéré, mais bon, ça c'est une affaire de goût. Ça fait penser aussi, sans doute pour le moment, moins personnel, moins affirmé, moins réussi, même à des choses comme Pop 1280, Clock Cleaner, Balaclavas, des choses qu'on a pu avoir l'occasion d'écouter ici. Il s'appelle comment, c'est... Alors oui, t'as raison, j'en oublie même de dire qui c'est. Hein, il s'agit de VOM. VOM, c'est donc un groupe écossais. Écossais, ouais. Qui, Glasgow, j'ai cru voir ça quelque part. C'est ça, ouais. C'est ça. Le disque Alter State, on s'est écouté d'ailleurs le morceau titre, Alter State, il y a une petite édition vinylique. Donc c'est pas si courant que ça désormais. Tout petit tirage, mais c'est pas si courant au sens où... voilà, de plus en plus c'est difficile pour les groupes d'aller au-delà de maquettes simplement déposées en ligne sur leur bout de toile et d'aller jusqu'à une autoproduction, ouais. Voilà. Alors là pour le coup c'est même pas une autoproduction, c'est même un label qui a une petite réputation qui s'appelle At War with False Noise. Qui est sorti ça, c'est lui aussi un label écossais. Donc voilà, petite édition pour un jeune groupe, en fait c'est tout neuf comme groupe. J'ai l'impression. Ouais. J'ai l'impression que ça démarre. Pas beaucoup d'infos du coup. J'ai l'impression que ça démarre, voilà. J'ai l'impression qu'il y a... J'ai pas trouvé d'autres références que cet album-là pour le moment. Donc ça démarre. Il y a peut-être un manque de personnalité. Là aussi les morceaux sont assez différents les uns des autres. Tous très très inspirés de la New Wave et de la Cold Wave, donc comme je le disais, anglo-saxonne. Peut-être que ça méritera d'aller vers des choses plus personnelles, même si voilà, il y a un morceau comme celui qu'on vient de s'écouter et je trouve assez réussi, assez entraînant, assez endiablé. Et ce qui justifiait de leur passage du côté du secret du son d'abord. Très planant toujours. Voilà. Et on passe à quoi là ? On passe à une bonne douche électrique avec un groupe qui sort son 10e album, si j'ai bien compté. Ah, pas des petits jeunes, ça y est, on repasse aux vieillards, ouais, pardon. Ce sont des Américains, un trio qui s'appelle Sightings, spécialiste des courts-circuits et des dissonances. Courts-circuits, bien qu'ils travaillent uniquement l'électricité et quasiment pas l'électronique, si je dis pas de bêtises, et ils font un bruit du tonnerre. Mais c'est un groupe, parce que groupe. Il me semble avoir vu qu'il y avait un batteur. Voilà, un bassiste, guitare, basse, batterie. Alors quand tu regardes guitare, basse, batterie, tu te dis ok, pas de problème. Il va y avoir des morceaux. Et non, c'est pas leur propos. Ou du moins, ne cherchez pas forcément des couplets refrains, des repères mélodiques ou quoi que ce soit. On est dans quelque chose d'ultra dissonant, d'ultra déconstruit, proche des musiques improvisées, peut-être pour une certaine partie improvisée. Les gars sont pas très prolixes. Là, j'ai essayé de lire une interview. Les questions sont plus longues que les réponses. Donc, le leader a pas envie d'en parler. Ça l'emmerde. Donc, d'ailleurs, il y a pas de voix, il y a pas de chant. Si. C'est pas systématique, mais du chant, ce serait un bien grand mot. Une voix qui est mixée comme un instrument. Voilà. Et voilà, c'est très très un vrai capharnaüm, très dissonant, à pas mettre entre toutes les oreilles. Ils ont d'ailleurs souvent eu des critiques, pas forcément toujours élogieuses. Bah, c'est un groupe que moi j'apprécie depuis les débuts, ou du moins oui, voilà, depuis j'ai commencé à les suivre au début des années 2000, là, vers 2002-2003. Et c'est vrai que souvent ils ont eu des retours critiques qui n'étaient pas forcément extraordinaires. Ça les a jamais empêchés de continuer. Je crois qu'ils chient à la face du monde, tu vois. Ils s'en foutent. Et ils ont bien raison. Moi, j'apprécie ce qu'ils font. Il y a là des bribes de motifs, peut-être à l'image du morceau Bundle qu'on va s'écouter. Je vous laisse apprécier. Et là, c'est un album qu'ils ont sorti. C'est Terribly Well. C'est Dice Records qui sort ça. Ça, c'est sorti en avril 2013. C'est tout frais, c'est tout chaud. Là. Oh, ouais. Et on met les doigts dans la prise et le casque sur les oreilles et c'est parti. Sightings dans le secret du son là-bas. And smelled green. He pressed it into my palm. Take care of yourself. This right after. How'd a nice guy like you end up in a job like this? And to him, had a nice guy like you end up hiring a nice guy like me? Everybody's nice when they're holding a gun. C'était le moment très cool de... Très cool, ouais, ou... De l'émission, là. Ou faussement cool, parce que cet album, est, je peux t'assurer qu'il fait assez flipper. Il y a cette voix caverneuse que les fans ultimes de Oxbow ont reconnu. C'est Eugene Robinson, bien sûr, qui s'est accoquiné à Jamie Stewart de Chouchou. Alors, c'est Chouchou, mais en fait, ça s'écrit Xiu Xiu, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Ah, d'accord. Donc, Xiu Xiu, Chouchou, c'est un projet qu'on suit avec l'ami Rigoula depuis longtemps. Vous avez déjà passé. On essaye de passer chaque fois qu'il y a un nouvel album. La carrière de Chouchou est assez, on va pas dire chaotique, elle est prolifique, mais... Autant empreinte de vraies réussites et puis de choses un petit peu moyennes. Un peu casse-gueule. En tout cas, c'est quand même un projet qu'on apprécie particulièrement. Un vrai sens de l'écriture, mais un vrai sens aussi de la prise de risque qui fait que justement il a jamais franchement rencontré le succès public qu'on. Ouais. Qu'on lui prêtait ou qu'on aurait qu'on, dans lequel on l'aurait bien vu. Qu'il a peut-être pas envie d'aller je chercher. Je sais pas, peut-être mais pas. En tout cas. Avec cet album, ça risque pas de se produire. Ouais. C'est super, super alambiqué, des très très courtes pièces. Parce que là, celui qu'on vient d'écouter était très court, une minute et quelques. C'est ça. Des vignettes comme ça, écrites par Eugene Robinson. Des histoires un petit peu glauques comme ça, un petit peu... avec toute la poésie qu'il sait exprimer, tout le blues qu'il a en lui, la noirceur qui est là. Il y a un côté comme ça, Et puis derrière, il y a les instrus complètement là, faussement calme, mais par moments très dissonants, mais espèce de. Un petit peu, on parlait tout à l'heure de variation de tonalité de voix à propos de Pharmacon, alors on retrouve ça un petit peu de temps en temps, il y a des piaillements, des cris, des coups de rasoir vocaux qui sont balancés par Jamie Stewart derrière. Ça donne quelque chose de qu'il faut vraiment rentrer dedans. C'est pas un album simple du tout. J'ai mis un bout de temps et j'ai pas terminé, je trouve. Là, pour parler des dance floor des musiques, là non, tu mets pas ça sur le dance floor, quoi. On finit tous assis dans un canapé. Si au moment où il faut virer tout le monde, voilà. Bon petit chouchou. Merci, bonsoir. Et Eugene Robinson. Ils appellent leur projet. Terrible. C'est très très beau, très beau. Ouais. Donc à découvrir, c'est l'album Chouchou and Eugene Robinson Present Sal Mineo. C'est sorti par Aago. Je ne connaissais pas du tout ce label-là pour l'édition vinyle. Ça doit être un label états-unien. Alors, j'ai aucune idée de qu'est-ce que c'est ce label-là. Et puis l'édition CD, par contre, c'est Important Records, qui est un très gros label qui produit énormément de disques. Et on n'est pas du tout surpris de les retrouver derrière la publication de cette ovni sonore, on va dire ça. Et quand je vois un petit peu la liste des morceaux, parce que je pense que je vais aller chercher ça et puis aller m'écouter tout ça, je vois que il y a très peu de morceaux qui font plus d'une minute déjà. Et je te dis les vignettes. C'est ça. Il y en a beaucoup. Des piécettes. C'est très intéressant. Je vais aller m'écouter ça en rentrant à la maison. Et ben voilà. On va terminer en douceur, tu vois, avec un projet que j'appréciais moyennement, pour tout dire, jusqu'ici. J'étais pas complètement convaincu. C'est déjà un genre où j'ai toujours eu un peu de mal, espèce de... folk, néo-folk comme ça, dark folk. Je suis pas toujours client de cette recette là, de lamentation guitaristique. N'aimes pas Bob Dylan, tu veux dire? Non, à la fois je n'aime pas Bob Dylan, mais je suis pas non plus un mordu de ouais. Death in June, pas ouais. plus que de choses comme ah, j'ai bouffé les noms, enfin peu importe là, des Césarians, des choses comme ça, que je suis pas non plus un énorme mordu. C'est un peu cette école là, c'est un peu cette scène là. Et là pourtant cet album El Monet de Rome ou Rome, parce que j'ai l'impression que c'est ouais. plus ou moins des Français, ben vraiment je trouve qu'il est très très beau. Alors je suis complètement passé à côté hein, parce que là ça va bien, il va bientôt avoir un an ce disque, il est sorti à l'automne 2012. Sans doute, je sais pas si c'était dans l'indifférence générale, j'y ai contribué à cette indifférence, et puis il traînait dans un coin de disque dur, et puis au miracle, jeté ton oreille. Au miracle, de très très belles chansons, ouais. C'est hyper triste, c'est hyper beau, je trouve que là vraiment il ouais, y a une écriture voilà, qui dépasse complètement les canons du genre, pour installer quelque chose voilà, qui est complètement à eux. La voix du chanteur, je crois que c'est Jérôme Reuter, il s'appelle, me touche énormément, pour le coup. Donc on va s'en faire un extrait, il n'est jamais trop tard pour se faire plaisir, avec un morceau qui porte le drôle de nom de Porn Arrow. On va s'écouter donc ça pour terminer, et on se dit à bientôt, toujours dans le courant de l'été. Toujours. Pour la session, les sessions, j'ose pas dire ensoleillées. Prends pas ce risque, ne voilà. prends pas ce risque. Du secret du son d'abat, on termine avec Rome, El Monet, l'album El Monet, le morceau Porn Arrow. À bientôt, David. À ciao, très ciao. Bientôt, bonjour, bonsoir, comme aurait dit Gregoula, et puis à la prochaine. À la prochaine. Spit on the leather and skin, a muffled roar of pink rose, and something throbbing within. There's a star in your ear, and something stuck in your throat. And there's a scar right here, where my heart went to float. Porn Arrow. Stuck.